Bilan, page 104. Vraiment, mamie, je ne peux pas imaginer comment tu vivais à mon âge. Et pourquoi ? Vivre sans télé, sans portable, sans ordinateur, c'est impossible. Tu exagères. On lisait les journaux, on avait la radio, on était bien informés. Grand-père m'a dit que la sienne ne marchait pas bien dans son village. Peut-être, mais moi j'habitais en ville et on recevait les nouvelles le jour même ou le lendemain. Moi, avec mon ordinateur, je peux tout savoir tout de suite. Tu peux tout savoir et tout oublier aussi vite. Avant qu'il y ait des ordinateurs, les gens prenaient le temps de faire attention à ce qu'ils lisaient. Dis-moi ce que tu as entendu aux informations hier. Ben, comme d'habitude, les problèmes à l'étranger. Tu vois, pour que ta mémoire soit efficace, il faut que tu la fasses travailler. Maintenant, bien que vous ayez toutes les informations, vous n'en savez pas plus qu'avant. Ah si, à la télé, je regarde beaucoup d'émissions éducatives. Moi aussi, j'en regarde pendant que ton grand-père fait le jardin. Et le soir, je les lui raconte. Tu veux que je te prête mon ordinateur jusqu'à ce que je revienne de vacances ? Pourquoi pas ? Ton frère ne veut pas me prêter le sien. Il m'a dit que je ne saurais pas m'en servir. Moi, je suis sûre que tu te débrouilleras très bien. Je te l'apporterai la veille de mon départ, d'accord ? D'accord. Tu verras que malgré mon âge, je suis capable de comprendre la vie moderne.